sais ce que c'est que la morale. Moi, je vais te dire ce que c'est la morale. La morale, c'est fait pour ceux qui la tiennent. Les riches. Et tu sais qui a raison chaque fois? C'est les riches. Et c'est les pauvres qui trinquent. Tu veux la voir, ma morale, à moi? Ouais. Ouais. Tu vas pas regretter après, hein. Je crois que tu vas avoir un peu peur. Et voilà ma morale. La morale, c'est ça. Mali, voir les on est à. Représente, cousin.